Ouvrirons les oreilles, le poste d'écoute est maintenant ouvert. Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante, c'est la première émission du mois de juin, donc on est très heureux. Cette semaine, dans les nouveautés, on a reçu entre autres une nouvelle compilation de Putumayo sur le Québec, donc on va entendre ça tantôt. On va entendre aussi les Dale Howard Chuck, mais on commence avec la formation Beggar Sound. Leur album, c'est Attendre, c'est mourir, et voici un sentiment dans le poste d'écoute. Au 89.1 FM, la Radio Campus de Trois-Rivières. Poste d'écoute. Let's go. Always reaching, never stopping, 'cause our darling is my name. Always reaching, never stopping, 'cause our darling is my name. Le premier album de Beggar Sound, c'est attendre, c'est mourir. On vient d'entendre la pièce The Alcoholic Is My Name. C'était précédé de Crever pour ça. Et la première, c'était Un Sentiment. Beggar Sound, leur site web, c'est beggarsound.fr ou encore myspace.com/beggarsound. C'est un groupe de Paris, Île-de-France, France. Un groupe de punk rock alternatif. Voilà donc pour eux. Et allez télécharger les pièces sur leur site et en entendre sur le MySpace. On passe du francophone à l'anglophone. On va entendre la formation Cut Copy. Leur nouvel album s'appelle In Ghost Colors. Et à l'instant même, voici Feel the Love dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Silver lining. Le poste d'écoute. Nouvel album de Cut Copy in Ghost Colors. C'est leur troisième album, oui, Cut Copy. Et c'est très bon. Et donc, les pièces Feel the Love, Out There on the Ice, ça c'était Lights and Music dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous. Cut Copy, qui est un groupe qui a commencé en 2001, ils viennent de Melbourne en Australie. Leur son est souvent... indie dance, électro-pop, avec l'influence des années 80, surtout du new wave et du post-punk. Ils sont sur la même étiquette que Wolf Mother, The Presets et New Young Pony Club. C'est l'étiquette Supervision. Leur site web est au cutcopy.net ou encore myspace.com/cutcopy. Là-dessus, vous allez voir leur spectacle et vous allez pouvoir écouter de la musique de leur part. On passe de Cut Copy à quelque chose de francophone. C'est la formation 011 et leur troisième simple qui s'appelle Tomber pour la France. Une reprise du chanteur français Étienne Dao qualifiée de vraiment très efficace par Arnold Turboust, compositeur de la musique. 011 est présentement à terminer son album Plaisir Digital qui sortira en septembre 2008. Mais pour l'instant, les voici avec Tomber pour la France dans le poste d'écoute au 89.fm. Et restez là, après ça, on écoute les Dale Hour Chuck. dans vos oreilles au 89.1. C'était le nouveau simple de la formation 011. Pour plus d'informations, c'est myspace.com/pop011. La pièce est tombée pour la France. C'est un groupe montréalais. Juste après la pause, restez là parce qu'on écoute le nouvel album des Dale Howard Chuck dans le poste d'écoute au 89.1 FM. C'est mon histoire. poste d'écoute. Le pétard, commande bébé, et on s'en assoit. Les Dale Howard Chuck avec la pièce à soir, on sort, précédé de Cage aux Folles, Le Retour et le Reel du Petit Minou. Ça va être leur nouvel album, les Dale Howard Chuck 2. Inspiré par un joueur de hockey des années 80 au caractère agressif comme leur musique, cette formation de Robert Val fait paraître un premier album éponyme en août 2005, dit le document de presse. Bien dosé entre la musique alternative et garage, un premier succès radio inattendu les conduira à une série de 120 représentations au Québec et en Ontario en moins d'un an. Ce premier album, réalisé par Olivier Langevin et co-réalisé par Pierre Girard, en plus de se mériter une nomination à la disque, flirte avec la barre des 10 000 copies vendues. À la suite de ce premier succès, les Dale Howard Chuck retournent pratiquer dans leur local, question de se préparer à enregistrer un nouvel album studio en band. Fin avril 2008, ils frappent fort tout en lançant leur deuxième galette, les Dale Howard Chuck 2, réalisé par Olivier Langevin. Tout en conservant un son caractéristique, le quatuor peaufine ses textes et explore de nouvelles avenues. Le rock musclé côtoie maintenant le country et même la musique folklorique. Comme au premier jour, les frères Séguin chantent et bûchent sur leur gratte comme une équipe de hockey en 7e match de la série finale de la Coupe Stanley. Voilà le seul lien entre eux et le hockey. Un point, c'est tout. Le spectaculaire rythme de batterie martelé par ce bon vieux Pierre Crocodile Fortin vont de pair avec les puissantes lignes de basse de Charles Atlas Perron. Cet amalgame unique apporte la dose adéquate de rock que tout amateur qui se respecte doit absorber au quotidien. Les Dale s'assument et persistent à devenir une figure emblématique genoise du rock alternatif typique à la région. Bien en vue sur la chaîne spécialisée Musique Plus, leurs trois premiers clips ont cumulé plus de 300 rotations. Voilà donc pour les Dale Howard Chuck, leur nouvel album s'appelle Les Dale Howard Chuck 2. On passe à de l'anglophone, une formation assez près de nous au Québec. C'est The Lost Fingers, leur album s'appelle Lost in the 80s. Vous avez peut-être entendu des pièces jouées ailleurs. Justement, notre machine, notre poste d'écoute ici dans le studio de C'est Fou ne nous permet pas, sacripante, de jouer la pièce Pump Up the Jam de Technotronic qui est sur l'album. C'est la première pièce de l'album. Comme vous savez, on passe les pièces dans l'ordre. Elle nous laisse seulement jouer la deuxième. Voici une pièce rendue célèbre par Bon Jovi, c'est You Give Love a Bad Name, dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Ooh, I, a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. Ooh, I, a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. Ah, regarde ça, la machine veut pas la finir. Ben zut, ben maudite machine de... Je te dis, c'est une machine. Shut through the heart. Marche jamais. And you're to blame, baby, you give love a bad name. You promised me heaven and put me through hell. Chains of love got hold on me. When passion's a prison, you can't break free. To blame, baby, you gave love a bad name. Played my part and you played your game. Baby, you gave love a bad name. You gave love a bad name. Your smile on your lips, blood red nails on your fingertips. The schoolboy's dream, you act so shy. Your very first kiss was your first kiss goodbye. Your love is gone. Oh, oh, oh, there's nowhere to run. No one can save me. The damage is done. Shot through the heart, and you're to blame. Baby, you gave love a bad name. Played my part, and you played your game. Baby, you gave love a bad name. You give love a bad name. Bad name. Baby, you give love a bad name. Le poste d'écoute. Incognito. Bien dans ma peau. Incognito. Je recommence ma vie à zéro. Incognito, bien dans ma peau. Incognito, je recommence ma vie à zéro. Incognito, sans dire un mot. Incognito, c'est pas facile de tourner le dos. M'en aller loin d'ici, m'en aller loin de toi, loin de moi. Loin d'ici, une autre vie, loin de toi, il existe une autre moi. M'en aller dans un pays où personne ne saura qui je suis. Solitaire, je chercherai sur la terre un coin où je t'oublierai. Loin de nous, loin de tout. Loin du monde où j'étais ta possession. Loin de nous, loin de tout. J'oublierai mon nom et ton nom. Je m'en irai incognito. Oh, bien dans ma peau. Incognito. Je recommence ma vie à zéro. Incognito. Oh, sans dire un mot. Incognito, je recommence ma vie à zéro. Des amis de mes amis qui diront ce qu'ils voudront dans mon dos, je n'en saurai pas un mot. Je m'en vais au bout du monde, s'il le faut, je me ferai teindre en blond. Si jamais tu me revois, je te promets que tu me reconnaîtras pas. loin de nous, loin de tout, loin du monde où j'étais ta possession. Loin de nous, loin de tout, j'oublierai ton nom et mon nom, je m'en irai incognito. Oh, bien dans ma peau, incognito, je recommence ma vie à zéro. Incognito, oh, sans dire un mot. Incognito, je recommence ma vie à zéro. Non, mais il faut quand même avoir du talent pour faire qu'une pièce de Céline Dion sonne bien dans mes oreilles, t'sais. J'aime vraiment ça. The Lost Fingers avec une pièce de Céline Dion, Incognito. C'était précédé de AC/DC avec You Shook Me All Night Long et de Bon Jovi avec You Give Love a Bad Name. Tout ça interprété par The Lost Fingers. Leur album s'appelle Lost in the 80s. Lisons le document de presse tous ensemble. En 1928, à la suite d'un incendie dans sa roulotte, Django Reinhardt, alors âgé de 13 ans, perd l'usage de deux doigts. Il développe alors une méthode unique pour jouer de la guitare, s'inspire du jazz et en devient rapidement une source d'inspiration. En 2006, au Conservatoire de Québec, les virtuoses de la guitare Byron Mikoloff, ex Wanton et Banca Basta, et Christian Roberge rencontrent le contrebassiste de jazz Alex Morissette. Pour l'humour de la musique, ils décident d'unir leurs trois voix et leurs multiples cordes pour rendre hommage aux années 80, comme aurait pu le faire le grand maître du jazz manouche. Depuis, les spectacles se succèdent, du grand rire au prestigieux Festival des guitares de Rouyn-Noranda. Chaque soir, les doigts manquants de Django accompagnent Samantha Fox, AC/DC, Technotronic, Bon Jovi, Stevie Wonder, Michael Jackson, George Michael ou même Céline Dion. Avec autant de virtuosité que d'humour, le trio présente un premier extrait, Pump Up the Jam. La rencontre improbable entre Django Reinhardt et Technotronic, l'un des groupes fondateurs de la danse européenne. L'album Lost in the 80s sortira le 6 mai prochain, donc c'est déjà fait. On vient de le recevoir, c'est fou. Et cet été, on pourra retrouver The Lost Fingers dans plusieurs festivals au Québec. Mais pour attendre, voici Pump Up the Jam, un titre offert à tous ceux qui ont souffert de trop pelleté et qui se sentent prêts à célébrer l'été. C'est bien dit de leur part. The Lost Fingers, donc, sont en spectacle. Je regarde la date que nous sommes. Nous sommes le 6 juin, ce soir, vendredi. Ils sont à l'hôtel Chicoutimi de Chicoutimi, c'est à 21h. Demain, samedi, le 7 à 14h au magasin Archambault de Sainte-Foy. Le 9 à 17h au golf Le Mirage de Montréal. Les dates sont sur le myspace.com/TheLostFingers. Leur site web, c'est TheLostFingers.com. Moi, j'ai vraiment bien aimé ça. C'est rare que des pièces quétaines me font dire « Wow, mais c'est bon, ça. Ah, c'est Céline Dion. Ah. » Ah, c'est pas grave, c'est bon pareil. OK, donc on termine la première heure du poste d'écoute avec quelques pièces du nouvel album Putumayo présente le Québec en l'honneur du 400e anniversaire de la ville de Québec. Hein? On va commencer avec une pièce de Mathieu Mathieu, notre sacripante de machine du poste d'écoute. Nous laisse pas jouer Annie Villeneuve. Alors, moi, cette machine-là, là, tu sais, je voulais entendre Annie Villeneuve. Elle est tellement bonne à Flash. Hein? Tellement bonne. Je présente l'album juste après cette pièce-là, d'accord? Vous écoutez le Poste d'écoute, 89 FM. J'arrive dans cette ville qui n'est même pas ma ville. Pour vivre dans cette maison qui n'est même pas ma maison. Auprès de cette femme qui n'est même pas ma femme. J'arrive dans cette ville qui n'est même pas ma vie, qui n'est même pas ma vie. Je reviens d'un village qui est un bien beau village. Je me suis senti chez moi, mais ce n'était pas chez moi. La tête pleine d'images, de fort jolis paysages. J'arrive dans cette ville qui n'est même pas ma ville, qui n'est même pas ma ville. À peine dans cette cité que je suis angoissé. Alors qu'hier dans les champs, j'étais calme et content. J'aimerais vivre à la campagne, pour ça ça prend des ronds. Permis une compagne, comment ferais-je donc? cette ville, tant qu'elle sera ma ville, j'y travaillerai beaucoup pour mieux y préparer mon coup. Dans l'odeur de l'essence et dans cette effervescence, j'habiterai cette ville, le temps qu'elle sera ma ville, le temps qu'elle sera ma ville, le temps qu'elle sera ma ville. Jusqu'au jour où je vivrai à la campagne. Cette ville de Mathieu Mathieu, c'est bien de la compilation Putumayo Presents Quebec dans le poste d'écoute avec son nouvel album Québec. Putumayo célèbre le 400e anniversaire d'une ville qui compte parmi les plus belles du monde. Sur cette compilation, on trouvera aussi bien du folk que des morceaux très actuels de jeunes auteurs québécois, sans oublier une chanson d'un artiste amérindien qui écrit en montagnier la langue de son peuple, dit le document de presse. Une partie du produit des ventes sera versée à Jeunes Musiciens du Monde, une association à but non lucratif basée au Québec qui enseigne gratuitement aux enfants la théorie et la pratique de la musique traditionnelle. Québec vient enrichir la série d'albums francophones proposés par Putumayo, qui compte déjà French Café, Paris, French Playground et French Caribbean. Voilà, sur l'album Putumayo Presents Quebec, on retrouve des artistes tels que Doba Caracol, Martin Léon, Annie Villeneuve, Chloé Sainte-Marie, Florent Volant, Marie-Annick Lépine, Mireille Bédard, Paul-Émile Bazar, La Bottine Souriante et Le Vent du Nord. C'est certainement un style. C'est pas super représentatif. Ben oui, c'est représentatif du Québec, mais ça veut pas dire qu'il montre seulement les choses qu'on fait de bien. Hein? C'est Annie Villeneuve. Come on. L'album sort le 24 juin en France ou ailleurs dans le monde, le 10 juin au Québec. Un hommage à la diversité musicale de cette pittoresque province canadienne francophone à l'occasion du 400e anniversaire de la ville de Québec. C'est Putumayo Presents Quebec. On se quitte pour terminer cette première heure avec Paul-Émile Bazar. Voici les viscères au poste d'écoute dans vos oreilles au 89.1 FM. Oh oui! Oh que oui! Plus la guerre, jamais plus vous n'aurez à vous parler. Quand tout sera mis au clair, jamais plus vous n'aurez à faire semblant. Quand vous serez transparent, jamais plus vous n'aurez à vous trahir. Quand vous serez solidaire, en attendant la venue d'un nouveau messie sur terre ou d'une machine à faire tourner le vent. J'invite cordialement les foies et les cœurs à rester des viscères et tout le monde à finir la nuit vivant. Jamais plus vous n'aurez à croire les faits quand il n'y aura plus d'histoire, et jamais plus vous ne pourrez vous cacher quand on fera la lumière. Jamais plus vous n'aurez à faire d'efforts lorsque vous serez mort. Jamais plus vous ne pourrez vous évader quand vous serez libre et fier, en attendant la venue d'un nouveau messie sur terre ou d'une machine à faire tourner le vent. J'invite cordialement les foies et les cœurs à rester des viscères et tout le monde à finir la nuit vivant. Thank you. l'envie du vrai, celui d'édifier quelque chose. Envie qu'on se bouge, envie qu'on ose détourner le cours du destin, tenter de freiner le déclin. Envie de croire en ce qu'on est, de ne plus jamais dire jamais. Ne rien attendre d'aucun dieu, de quelconque manière, et s'arranger pour faire tourner le vent. Quand vous irez debout, la foi en vous et le cœur grand ouvert, alors j'irai vous rejoindre en courant. Ensemble, on finira la nuit vivante. Bon, attends, c'est la deuxième heure du Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle toujours Mathieu Plante, oui. Dans cette deuxième heure, beaucoup de variétés comme toujours. On commence avec Kayas, le band. Leur nouvel album s'appelle Format moyen, un nouveau venu dans le paysage musical québécois. Les voici avec les violons dans le Poste d'écoute au 89.1 FM. Et ça, c'est dans vos oreilles, partout dans le monde, c'est fou.ca. Bon matin chérie, j'suis parti à l'épicerie acheter du saumon fumé pis une coupe de fruits. J'espère que t'as bien dormi, j't'aurais pas lâché de la nuit. Est-ce que ta migraine a passé? J'en prends soin de toi aujourd'hui. Y'a pas trop mon amour, j'me satisfais de te faire la cour. Ben non, ça me dérange pas, je dis d'avoir couché dans cour. Ton chien est sympathique, il donne la patte et fait des tours. Sauf que lui donne de l'amour et demande rien en retour. Wow, j'ai tellement pitié. Allez, sortez les violons. Soit je t'aime pas assez, d'une manière ou d'une autre ça prend toute la place dans mes pensées. Soit je t'aime trop, soit je t'aime pas assez, d'une manière ou d'une autre ça prend toute la place dans mes pensées. Tu me fais travailler à la sueur de mon front. J'ai comme l'impression courir un marathon. Mes efforts se concentrent à cacher mon côté cochon. Ma force de faire le clown, je deviens un peu colon. Mes chums, j'pète la boule, c'est moi qui a le gros bout du bateau. J'leur dis qu'on fait plein de positions. Mais tout le monde sait bien que j't'aime trop et que ça te rend narcissique. Wow, j'fais tellement pitié. Allez, sortez les violons. Wow, j'fais tellement pitié. Allez, sortez les violons. Soit j't'aime trop, soit j't'aime pas assez. D'une manière ou d'une autre, ça prend toute la place dans mes pensées. Soit j't'aime trop. Soit je t'aime pas assez, d'une manière ou d'une autre ça prend toute la place dans mes pensées. Bon, bonne commande. Matin chérie, je vais prendre deux œufs, bacon, saucisse. Fais pas brûler mes toasts, tu sais que ça met en crise. Y'a des all-brand dans l'armoire pour toi, ils sont sans additifs. Ben non, je te trouve pas gros, c'est juste que c'est plus nutritif. En passant, je voulais te dire que vendredi, je serai occupé. Je m'en vais chez mon jump pad, écoutez le hockey. Je peux pas manquer ça, Gretzky, c'est mon goaler préféré. Voyons, je suis pas en train de te mentir, arrête ton paranoïe. Wow, tu fais tellement pitié. Allez, sortez les violons. Soit je t'aime trop, soit je t'aime pas assez. D'une manière ou d'une autre, ça prend toute la place dans mes pensées. Soit je t'aime trop, soit je t'aime pas assez. D'une manière ou d'une autre, ça prend toute la place dans mes pensées. Pourquoi est-ce que je persévère à rester ici comme un con? Moi je pense que je peux pas me vivre quand je suis tout seul dans mon salon. Je suis pas bien avec toi, mais quand t'es pas là, je tourne en rond. Nos soirées sont actives et très riches en animation. Un vrai spectacle, oui, à tous les soirs, c'est la scène de ménage. Le voisinage est informé. J'fais tellement pitié quand j't'assis sur mon balcon à jouer du violon. Wow, j'fais tellement pitié. Allez, sortez les violons. Wow, j'fais tellement pitié. Allez, sortez les violons. Soit j't'aime trop, soit j't'aime pas assez. D'une manière ou d'une autre, ça prend toute la place dans mes pensées. Soit j't'aime trop, soit j't'aime pas assez. D'une manière ou d'une autre, ça prend toute la place dans mes pensées. J't'aime, j't'aime pas, j't'aime, j't'aime pas. Le poste d'écoute. Fin fond de Shefferville, y'avait de quoi virer un peu débile. La caisse de 50 vend encore en pack de 12 de 24. Salut poupée, ça tente-tu de faire une ride de 4 par 4? Wow, wow, wow, Shefferville. Comme si c'était la fin du monde, il faisait soleil qu'une fois par année. T'aurais dû voir le party. Il était pas trop chaleur, un 28 août c'est manégé, à peu près 3 pieds de neige. La nouvelle de l'année, ça leur faisait quelque chose à raconter. Shefferville, toi pis moi on va s'asseoir pis prendre une bière. J'voulais juste savoir comment qu'était mon père avant que tu l'envoies en Ontario, en Ontario. Pendant que grand-père est au fond des mines de la compagnie, quand mon cuvet son gin se rapprochait du fond du baril. La recette du cauchemar, 8 onces de 7-up, une once de gin. Laisse passer 5 ans puis inverse la routine. Genre d'histoire populaire qui faisait jaser les commères. Anyway, y'avait rien d'autre à faire. C'est pour ça qu'était malheureuse Madame Lapierre. J'ai peur, j'ai peur. Dis-moi, on va s'asseoir puis prendre une bière. J'voulais juste savoir comment qu'était mon père avant que tu l'envoies au séminaire en Ontario, en Ontario. J'trouve ça plutôt triste d'être le fils d'un gars de Sheffer dont l'enfance est oubliée au fond d'un train. Pour un enfant, une place plus meilleure, y'en avait pas. Fini pour toi, la toundra, on frotte-toi un prêtre trop intelligent. Intelligent, sacrament, un ou deux péchés contre trois ou quatre chapelets. Prière chaque matin dans le court de basket. Au séminaire en Ontario, une vraie prison pour ados. Puis le paradis pour les pédos. Shefferville. Dis-moi, on va s'asseoir puis prendre une bière. J'voulais juste savoir comment qu'était mon père avant que tu l'envoies au séminaire en Ontario, en Ontario, en Ontario. We'll be right back. Les enfants s'amusent dans la fourmilière de Ville-Saint-Laurent. Nos parents baby boomers commencent à déjeter de leur content. La mode est au divorce plutôt qu'au pas de téléphone. Chance qu'il y avait Mario Bros pour calmer nos tourments. Le Québec devenait une terre d'accueil de choix pour les immigrants. Mes copains étaient noirs, jaunes, mulâtres ou mauves avec des points blancs. Sur l'heure du souper dans les rues, ça sentait le pâté chinois. Puis toutes sortes d'odeurs que je connaissais pas. On chiait pas sur le McDo des Big Mac en vue du enveloppe. On écœurait pas le peuple avec le grappi Al-Qaïda. On fumait aisément, ça a l'air que même dans le cinéma. On se faisait pas trop le mal, il me semble que dans ce temps-là. Chacun son patelin, le mien n'a rien de si différent à part contenir mes rêves d'enfant. Quand les souvenirs refont surface, des fils comme un film de famille. La nostalgie m'envahit, mon cœur s'est bas et fait des brilles. Chacun son bout du monde, chacun son patelin, le mien n'a rien de si différent à part contenir mes rêves d'enfant. Quand les souvenirs refont surface, des fils comme un film de famille. La nostalgie m'envahit, mon cœur s'est bas et fait des brilles. Enfant de carriériste, divorcé, visant l'Eldorado. On tentait de se tailler une place au travers le métro, boulot, dodo. Le quartier-nage faisait maintenant partie des besoins vitaux. On traînait chez les nounours ou sur les tracts de chemin de fer. Faire bien attention pour laisser un châssis ouvert. On rentrait dans nos maisons par la fenêtre d'en arrière. Étant de petits adultes en quête d'autonomie, on se calait un café puis on spinait sur nos G.I. Joe. Chacun son bout du monde, chacun son patelin. Le mien n'a rien de si différent à part contenir mes rêves d'enfant. Quand les souvenirs refont surface, défilent comme un film de famille. La nostalgie m'envahit, mon cœur se débat. Chacun son bout du monde, chacun son patelin. Le mien n'a rien de si différent à part contenir mes rêves d'enfant. Quand les souvenirs refont surface, défilent comme un film de famille. La nostalgie m'envahit, mon cœur se débat et fait des brilles. Prépare la création de bons mauvais coups. La rage au cœur, notre acte se transformait en blague de mauvais goût. Avec Max, Joe, pis le gros Abastato, on cherchait le trouble des ruelles du parc des selles au métro. Plus ça change, plus c'est pareil, mon coin s'est jamais remis de la veille. Pour ma part, je suis resté longtemps pris sur la première bouteille. La venue de la Marie sur l'avenue fut remarquée. C'est sans limite que Saint-Laurent devint le pays des merveilles. Chacun son bout du monde, chacun son patelin. Le mien n'a rien de si différent à part contenir mes rêves d'enfant. Quand les souvenirs refont surface, défilent comme un film de famille. La nostalgie m'envahit, mon cœur se débat et fait des brilles. Chacun son bout du monde, chacun son patelin. Le mien n'a rien de si différent à part contenir mes rêves d'enfant. Quand les souvenirs refont surface, défilent comme un film de famille. La nostalgie m'envahit, mon cœur se débat et fait des brilles. Manamana, manamana, manamana, oh oh. Le band avec la pièce Salo, précédée de Shefferville, et on a commencé avec la pièce Les Violons, ça va être leur nouvel album format moyen. Kayas le band, un groupe de reggae de Montréal, CD de 6 tunes comme ils disent, donc c'est un hippie, un maxi. Nouveau venu dans le paysage québécois, Kayas le band se définit comme un groupe reggae contemporain et urbain dont le son s'apparente à celui des Crooklocks. C'est avec un savant mélange de satire et de chaleur que ce groupe prometteur nous livre des textes francs et sensibles. Kayas le band se compose de 6 membres d'horizons musicaux variés. L'auteur-compositeur-interprète Kayas, des productions Quicksound et des productions Karoshi. Le claviériste Louis-Joseph Clich de Inus Azo, Métis Afro-Caribbean Duty. La batteur Emmanuel Caplette de Ima, Marie-Lou et Cavalia. Les guitaristes Rémi Fraser de Funny Brasca et Nicolas Chambaud, concepteur et arrangeur. Et le bassiste Charles Boutin de Black Page et Véronique Labbé. myspace.com/kayas2l2s. C'est leur site web. Vous pouvez aussi être leur ami sur Facebook. Hein, pourquoi pas? myspace.com/kayas. Leur album s'appelle Format Moyen. On retourne à l'anglophone pour aller entendre un groupe canadien qui s'appelle The Paper Cranes. Leur nouvel album s'appelle Halcyon Days. Et tout de suite, voici I Love You Until My Veins Explode. On découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous dans le poste d'écoute. Et on les écoute dans le même ordre que sur le CD. Donc, plaignez-vous pas si c'est pas représentatif de votre album, comme disent les artistes. C'est ça l'idée. Les gens écoutent juste les premières pièces de vos CD de toute façon, hein, avant de les acheter. Okay. formation The Paper Cranes avec leur album Halcyon Days et la pièce Laughing Sickness. Je ne cherchais pas du tout. Laughing Sickness précédé de 100 Years War et de I Love You Until My Veins Explode. À date, mon CD préféré depuis le début de l'émission. J'adore ça. The Paper Cranes, un groupe de Victoria en Colombie-Britannique. Les membres sont Ryan, Miranda, Braden, Jeff et Alex. Leurs influences, The Clash, The Velvet Underground, The Cure, The Smiths, The Jam et un paquet d'autres bands qui commencent avec The. Vous pouvez aller voir leur MySpace pour entendre des pièces d'eux. C'est au myspace.com/thepapercranes. C'est leur site officiel. Leur CD, encore une fois, s'appelle Halcyon Days. Et j'ai hâte de le réentendre, moi, en tout cas. J'aime bien ça. On retourne aux francophones avec, je crois, le dernier album de francophones pour cette semaine. C'est Christian avec son album L'Homme qui marche. Et on écoute tout de suite la pièce Weird. Oh, Weird. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois. En même temps que vous, on sait pas du tout ce qui s'en vient. Non. C'est weird comme émission. Une femme weird. Marie un homme weird. Les invités étaient tous weird. Une femme weird. Marie un homme weird. Les invités étaient tous weird. Ils sont partis en lune de miel et en sont revenus plus weird, pour ensuite entrer par la sortie d'un sens unique. Aussi weird que cela puisse paraître, personne ne les a vus en ressortite. En ressortite. Une femme weird marie un homme weird. Les invités étaient tous weird. Une femme weird marie un homme weird. Les invités étaient tous weird. On raconte qu'il se serait enfui, enfui par un tunnel weird, avec beaucoup, beaucoup d'argent. Avec l'argent de leurs riches voisins, qui n'en faisaient pas moins, faisaient pas moins de foin. Pareil qu'ils auraient fructifié l'argent dans une autre banque weird, qu'ils auraient fructifié leur nom dans un autre pays weird. Pareil qu'ils auraient fructifié l'argent dans une autre banque weird. Qu'ils auraient fructifié leur nom. Fructifié leur nom. Une femme weird marie un homme weird. Les invités étaient tous weird. Hey, tu dors? Dis-moi donc, qu'est-ce qui t'arrive? Dans pas longtemps, tu penseras plus ici. Tu seras disparu de l'envers, t'apparaîtras à l'endroit, dans un plausible univers, où la chaleur se définit, juste avec la lumière. dis-moi donc, qu'est-ce qui t'arrive? Pourtant tout est possible en peu de temps. Avoir ce que tu veux juste là maintenant. Je commence à comprendre ce que tu es vraiment. Je commence à comprendre ta fortune, ton printemps. Hey, tu dors encore. Hey, tu dors encore. Hey, tu fais le mort. Les tricheurs, les pilules du malheur, la soif d'un crépuscule. Le poste d'écoute. Avant que le soleil ne se couche, avant qu'on mélange tout, avant que les oiseaux nous fixent, avant que les anges ne défendent plus notre cause, avant que les prophètes gardent le silence, avant que l'on ait peur de mourir, avant que nos corps soient trop vieux pour prendre le risque, avant que la raison nous dirige droit dans une fosse, avant que la tempête brouille toutes les traces, avant que tes cheveux ne soient plus couleur de la terre, avant que les rides viennent masquer ton visage, avant que nos cœurs empoisonne de tristesse. On va s'aimer, on va. On va s'aimer, on va. On va s'aimer, on va. On va s'aimer, on va. On va s'aimer, on va. On va s'aimer, on va. Que notre musique ne soit plus qu'un rêve, avant que les faux pas nous paralysent, laisse-moi toucher tes lèvres, avant que la passion ne perde ses feuilles pour toujours, avant corps de quelqu'un d'autre. On va s'aimer, on va s'aimer, on va s'aimer, on va. On va s'aimer, on va, on va s'aimer, on va. L'artiste Christian avec son album L'homme qui marche. On vient d'entendre la pièce On va s'aimer. C'était précédé de Tudor et de Weird. J'ai bien aimé. Oui, oui, j'ai bien aimé. Certaines pièces plus que d'autres. Donc, Christian, parlons de lui en lisant le document de presse. Un premier album voit enfin le jour pour l'auteur, compositeur et interprète Christian, originaire du Lac-Saint-Jean. C'est dans un univers musical bigarré aux sonorités abondantes que se regroupent les 12 pièces de l'album intitulé L'homme qui marche. Au summum de sa création, Christian s'éclate comme jamais en proposant des pièces riches en ambiance sur des airs folk rock, là où les guitares acoustiques, le lap steel, l'harmonica rencontrent les séquences sonores et le cigar box, un monde rafraîchissant s'ouvre garni de découvertes et d'horizons nouveaux. Découvert lors du concours Ma première place des arts en 98, il a traîné ses bottines à travers le Québec pour présenter au public ses spectacles aux couleurs uniques. Influencé par différents artistes tels que Ben Harper, Elvis, Ry Cooder, John Butler, Dub Maniac, Manowar, Manu Chao, Son House et bien d'autres, Christian s'est entouré de Pierre Fortin qui travaille avec les Delaware Chuck, qu'on a entendu un petit peu plus tôt à l'émission, et avec les frères Cheminot, Benoît Bouchard des frères Cheminot et Carole Bergeron qui ont co-réalisé ce projet. Christian, donc c'est son nom, l'album c'est L'homme qui marche, son site web myspace.com/officielchristian ou encore officielchristian.com. Intéressant. On passe à de l'anglophone, on va entendre un groupe canadien qui s'appelle Elephant. Leur album s'appelle The Violet Hour et tout de suite, voici la première pièce de l'album qui s'appelle Thank You. Thank you very much. Vous synthonisez le poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois dans l'ordre des pièces du CD. Dans vos oreilles au 89 FM et partout dans le monde au cfou.ca. We'll be right back. utiliser le poste d'écoute au 89.1 FM et on enchaîne avec la formation My Brightest Diamond. L'album, c'est A Thousand Sharks Teeth. Et voici Inside a Boy au 89.1 FM. Le poste d'écoute. Bradis Diamond avec la pièce de The Ice and the Storm, précédée de Inside the Boys, les deux premières pièces de leur nouvel album The Thousand Sharks Teeth. My Bradis Diamond, c'est un groupe d'expérimental rock indie de Brooklyn, New York, aux États-Unis. A twink, a twang, a twingling, c'est leur slogan. Très beau slogan. Ils sont en tournée un petit peu partout dans le monde en ce moment. New York, Amsterdam, Hultsfred, New York, Boston, Évreux, Ris. MyBrightestDiamond.com ou encore MySpace.com/MyBrightestDiamond si vous voulez plus d'informations sur le groupe. Leur album, encore une fois, c'est A Thousand Sharks Teeth. On va se quitter pour la fin de la deuxième heure avec la pièce If I Were Queen de My Brightest Diamond. Dans la troisième et dernière heure, on va entendre les formations de John Stones. On va aussi avoir NDD Unukwulu, Putumayo Presents Café Cubano et puis The Gruesomes avec Tyrants of Teen Trash. Ça, c'est dans la troisième et dernière heure du poste d'écoute. Si vous voulez tous les liens de l'émission d'aujourd'hui, passez par le www.unechance.com. Vous pouvez nous entendre toutes les semaines, les vendredis matins, en direct à partir de 10h. On est aussi en rediffusion les samedis de 13h à 16h et les lundis de 17h à 20h. Oui, de soir, tout l'été. Donc, tout ça, c'est sur le cifre.ca si vous ne pouvez pas retenir les heures. Restez avec nous, la troisième heure du poste d'écoute s'en vient. And we could argue where to put them. Troisième heure, oui, du poste d'écoute. Émission qui découvre les nouveautés pour la toute première fois en même temps que vous. Émission qui ne sait pas trop ce qui s'en vient, donc qui se mélange dans les choses. Troisième heure qui débute avec la formation de John Stones. Leur album s'appelle Sex. Et dans quelques secondes à peine, on va entendre la pièce Bank. Mais avant, un avant-goût de ce qui s'en vient plus tard dans l'émission, on va entendre l'album de Contradictor d'une chanteuse de blues qui s'appelle Ndidi Unukwulu. On va aussi entendre dans... d'autres musiques du monde. Putumayo Presents Café Cubano. On va terminer l'émission sûrement avec The Gruesomes et leur album Tyrants of Teen Trash. Mais on commence avec The John Stones. Leur album, je le répète une millième fois, s'appelle Sex et voici Bank dans le poste des Coteaux 89.1 FM. Dans vos oreilles! Know what happened 22nd August or 7th, it I know. And times were tough, but we couldn't get enough. And now you got to keep it on the down low. I'm wrong for my place, rocking off face, skills up in your face. Hey, something like it bothers me, everybody says that. D'écoute. imperfect, but I won't cover her. And wouldn't that be just so easy? Blocked off someone else. At least then I got it all. Said I was sitting tall. At least then I got it all. But I don't care at all. Let's just say that she's all mine. But I said I'm not going that way. Let's just say that I wish she'd done. Cause she's out. Yep, yep. This is something I know. Let's just believe that be the guy. But I said I'm not going that way. Let's just write it up and take a second look and take a second just to check it as I'm breaking up forever thinking I'm stressed a moment cause I dropped off someone else. Oh, they said I got it all. Did I sing song? They said I got it all. But I don't care at all. Let's just say that she's all mine. But I said I'm not going that way. Let's just say that I'm wasting time. She is out. we'll be right back. fucking boots. And all the girls want me when they turn the kids at me. And I said all the girls who want me, they should have it. The Johnstones avec la pièce Girls précédée de Last Chance et de Bank. Oui, ça vient de leur album Sex en magasin maintenant et disponible en streaming sur thepunksite.com, myspace.com/TheJohnStones et leur site web ou thejohnstones.ca. C'est un groupe de Ajax au Canada. Ils étaient en spectacle hier à Montréal. Ce soir, vendredi 6 juin, ils sont à 20h au skatepark du Orbit Sport pour le Sex Tour. C'est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ensuite, demain, samedi, le 7, au Paquillon. J'imagine que ça veut dire pavillon agricole pour le Sex Tour à Rimouski. Le 8, au Mavericks d'Ottawa, en Ontario. Ensuite, ils vont aller du Prince-Édouard au Nouveau-Brunswick et reviennent en Ontario. Donc, c'est The Johnstones, un groupe de ska-punk grime avec leur album Sex. On passe à Ndidi Onukwulu avec son album The Contradictor, chanteuse de blues. C'est son deuxième album. Ça compte des histoires de cœurs brisés avec une voix douce comme la soie. C'est ce que ça dit ici. Ça sort le 17 juin. On va commencer avec une pièce qui s'appelle SK Final. Ça va être suivi de The Lady and E. Et son site web, c'est myspace.com/Ndidi Onukwulu. Je vais vous laisser aller voir le nchorse.com pour le lien. Pourquoi pas? Vous synthonisez le poste d'écoute, on découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous sans savoir ce qui s'en vient. 89 FM dans vos oreilles. I gave myself away again. I opened up and I let you in. And it hurt so bad to see you go. But I guess you want me to come along. I'm not going to hurt over you again. I'm not going to hurt over you again. We did not get, not get to choose. I'm poste d'écoute. Sometimes he hates you, or maybe he hates himself. He longs to embrace you, yet he seems to be holding himself. Looking at you makes him turn away. He don't want you to go, but you cannot stay. He don't think much through, not much through these days. Well, he don't know this role he's always been on top before. He won't look her in the eyes. Gonna tell himself she's nothing but a lie. He don't know this role he's always been on top before. He won't look her in the eyes. Gonna tell himself she's nothing but a lie. He longs to talk it out. Instead he turns inside. He knows something's going on, something he can't describe. You don't see him to sleep through the night anymore. He keeps seeing his freedom outside that door. He knows it needs to explode. Well, he don't know this road he's always been on top before. He won't look her in the eyes. Gonna tell him such nothing but a lie. He don't know this road he's always been on top before. He won't look her in the eyes. Gonna tell him such nothing but a lie. He knows that he has to do something. The walls, they are closing in. So down to his local he'll go. Or suddenly a liquid sin. On every glass seems to be a piece of your face. He closes his eyes and it's a lips he tastes. These memories he can't. You can't escape. Well, he don't this road he's only ever been on top, on top before. He can't even look at her in her eyes. But if he does, he knows that he's gonna have to lie. Andy Onokulu avec la pièce The Lady Annie de son album The Contradictors. C'était précédé de SK Final, la pièce qui ouvre l'album myspace.com/NDD Onokulu ou encore NDD.ca, NDID.ca. Elle vient de Vancouver en Colombie-Britannique. Elle est en spectacle le 8 juin au Irwin Greenberg Theater de Ottawa, mais ensuite elle vient à Montréal au Café Campus le 10 juin à 20h. Ensuite elle va être à Vancouver, en Saskatchewan, en Alberta. Elle fait le tour du Canada. NDD.ca, je le répète, et son nom de l'album, son nom d'album, oui, c'est The Contradictor, et fait du blues. C'est son deuxième album. On continue en musique du monde un peu, si on veut, avec Café Cubano, la nouvelle compilation de Putumayo. On les a entendus un petit peu plus tôt, Putumayo, avec leur compilation sur le Québec. Et ça va être complètement différent avec la musique cubaine. On commence ce voyage dans les Guajiras, Trovas et Boleros, oui, c'est ça, qui vous transporte dans les cafés charmants de cette île riche musicalement. C'est ce qu'ils nous disent à l'arrière de l'album. On commence avec Prose Conde y Ola Fresca et la pièce El Chacal. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. À C'est fou 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. El Chacal. El Chacal. El Chacal. El Chacal. Obligaron a poner en histórica altura, promovieron tu bravura al mundo entero con tu muerte. Aquí se quedó tu cara en camisetas y postales. No dicen todas las verdades del chacal de la cabaña. El chacal. Tan fuerte que sobre la historia dispara desde un momento en Santa Clara donde el poder te sedujo. Ahora de moda está tu cara en camisetas y postales, pero no dicen todas las verdades del chacal de la cabaña. El chacal. El chacal. El chacal. El chacal. Aristidio te siguió hasta el día que se cansó de la mentira. Cuando él te dijo que se iba con una 32, usted lo silenció. Aquí de moda sigue tu cara, y aunque limpies la camisa hasta la entraña, no lava la sangre en las manos del chacal de la cabaña. Condenaste a miles al matadero, más te gustaba jugar guerrero, despidiendo tú mismo los inocentes. Ahora hay de moda hasta tu cara, a las mujeres que dejaste viuda le extraña, como puede estar en todos lados el chacal de la cabaña. Causa ideal, por el sendero violencia nunca se puede llegar. Te consumió tu pasión y te convertiste en el chacal. Aquí de moda siguió tu cara en camisetas y postales, y la gente no sabe las verdades del chacal de la cabaña. El chacal. Retour plus de Café Cubano et on découvre Azada Booth avec In Flesh Tones dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Acechado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Esa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste. Aunque me cueste morir. son las cosas del amor. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Ignacio Mazacote Carillo avec Lágrimas Negras, précédé de José Condo y A la Fresca avec El Chacal. C'est rare qu'on passe autant de musique du monde dans le poste d'écoute, mais des fois ça fait plaisir, l'été surtout. Les cafés cubains sont le rendez-vous de tous ceux qui aiment se laisser bercer par le rythme nonchalant de musique ensoleillée, dit Putumayo, en sirotant un cortado serré, ça c'est l'expresso cubain, ou un mojito au rhum Havana Club. Ernest Hemingway était un habitué des bars de la Havane où se retrouvaient également les auteurs et les poètes les plus influents d'Amérique latine. Aujourd'hui encore, ces établissements attirent les Cubains de tout âge et de tout milieu social. Intellectuels, artistes et jeunes couples boivent coude à coude, tandis que dans un coin de la salle, une petite formation interprète des boléros romantiques et des sones. Le rythme de la musique s'accélère au fil de la soirée à mesure que le niveau de rhum dans les bouteilles descend et que l'ambiance monte, jusqu'au moment où les clients poussent les tables pour danser. Bien sûr, rien ne vaut une soirée dans un authentique café cubain, mais nous espérons que cette sélection de guarias, je dis n'importe quoi, de sones, de guarachas et de boleros acoustiques vous donnera un aperçu de l'atmosphère de la Havane. Disons, très approximatif comme prononciation. Putumayo.com, si vous voulez plus d'informations sur la compagnie, ils ont fait tellement de compilations jusqu'à maintenant. Un petit peu plus tôt dans l'émission, on a entendu celle du Québec, qui était très remplie de Annie Villeneuve. Hein? Ouais, c'est pas toujours bon, hein? On passe à du canadien maintenant. C'est une formation qui s'appelle AZ Booth. C'est sur Kosher, Absolutely Kosher Records. Leur album s'appelle In Flesh Tones. Et tout de suite, voici la pièce Ram dans le poste d'écoute. Ça sort en juillet, donc on le reçoit très, très à l'avance ici dans le poste d'écoute au 89 FM où on déballe les nouveautés et on les écoute pour la première fois en même temps que vous. C'est fou.ca pour nous écouter en direct sur Internet. le poste d'écoute. Make a fit. C'est le Booth avec la pièce In Red de leur album In Flesh Tones. C'était précédé de Ran. L'album sort le 22 juillet prochain. On reçoit à l'avance. On aime ça. Très bon. C'est du visuel pop ambiant de Calgary en Alberta. Ils sont d'ailleurs en tournée en Alberta en ce moment même. Chris Reimer, Mark Reimer, Morgan Greenwood, Mike Wallace et Jordan Hussack sont dans cette formation qui s'appelle Azada Booth. Ils sont sur Absolutely Kosher Records. Leur site web, c'est azadabooth.com ou myspace.com/azadabooth. In Flesh Tone, c'est l'album. On reste dans le Canadian pour aller entendre la formation Lake of Stew, oui, un lac de ragoût. Leur album, c'est Ain't Tired of Lovin'. Et tout de suite, voici The 105. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous. Oui, c'est ce qu'on fait depuis toujours, depuis le début des temps. Oh, oui. Poste d'écoute. Spoken. the night in Buffalo, but left before she woke. I took the bus to Ottawa with a pistol in my coat. I'm standing by the entrance, PM's SUV arrives. I carry out the sentence, Lord, then I wave bye-bye. But don't fear, my friend, no, it's not the end. Spoke to Mary Margaret, she said love will come again. Yes, now love will come again. This point I won't belabor, only nature will prevail. Well, one way or another, that old hard rain's gonna fall. And whether you're a slave or king, it falls down on us all. But don't fear, my friend, no, it's not the end. Spoke to Mary Margaret, she said love will come again. Yes, now love will come again. Roads and heavy loads are slipping back and forth. The wind, it blows, the tree, it knows it's shaking all its force. The forest floor looks empty, at the same time it looks full. Shear my uncle's sheep and then I'll harvest all the wool. Sing all night and dance all night, hey, why not do both? The people you see everywhere may well just be a ghost. Cause if you never do it, friend, then somebody else will take a bite and chew and swallow it until that belly's full. Luster of the stone, it ain't the carrots in the ring. It's the happiness you'll share, it's the love that it will bring. So say out loud, love, love. Lift the cloud, love, love. Say it proud, love, love. Tell the crowd, the word is love. Gutter in the first frame and a strike thrown in the next. It's like a rolling through the park and quickly hopping off the fence. The CDR looks full even when there's nothing on it yet. Well, I'm a paying off my bills and I'm a getting out of debt. No, it ain't the luster of the stone, it ain't the carrots in the ring. It's the happiness you'll share, it's the love that it will bring. So say out loud, love, love. Lift the cloud, love, love. Say it proud, love, love. Tell the crowd, the word is love. No, it ain't the luster of the stone, it ain't the carrots in the ring. It's the happiness you'll share, it's the love that it will bring. So say out loud, love, love. Lift the cloud, love, love. Say it proud, love, love. Tell the crowd, the word is love. Tell the crowd, the word is love. Lake of Stew avec The Word is Love, précédé de Mary Margaret et de The 105. Lake of Stew, un groupe d'acoustique folk roots de Montréal. Oui, c'est vrai. Allez voir le myspace.com/Lake of Stew. Ça existe depuis septembre 2002. Le lien va être sur le site de l'émission ou unechance.com. Ça dit que c'est un groupe de 8 personnes avec un ensemble qui change perpétuellement. C'est leur premier album. Ça a été enregistré en direct au Rick's Place en décembre 2007. On va terminer l'émission avec la formation de Gruesomes. Leur album s'appelle Tyrants of Teen Trash. On va entendre les pièces Bikers from Hell et Cry in the Night. Allez voir leur site web au myspace.com/thegruesomes. C'est un groupe de garage punk psychédélique aussi de Montréal. Donc on leur donne de très très grandes bonnes vibrations, de bonnes chances si on veut. Mais nous, c'est la fin du poste d'écoute déjà. On manque déjà de temps. Mon poste d'or cette semaine, c'est la formation de Paper Cranes avec Halcyon Days que j'ai bien aimé. J'ai aussi aimé les formations Cut Copy, les Dales Our Chuck, évidemment, les Lost Fingers, Kayas Le Band. Mais autre que ça, la deuxième moitié de l'émission est un petit peu moins intéressante. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct, les vendredis de 10h à 13h. On rappelle les samedis à 13h et les lundis à 17h de la part de toute l'équipe fictive du Poste d'écoute. Merci beaucoup d'avoir été là. À la semaine prochaine. Faites attention à vos genoux. Bonne journée et bonne chance. Thank you.